بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 36 dans l'explication du livre, l'explication du Sharh du Kitab al-Tawhid, Qurrat Uyun al-Muwahhidin, écrit par le Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec les explications et les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan de son Sharh. Et on est arrivé maintenant à l'explication du Sheikh Abdurrahman ibn Hassan du hadith, du hadith qu'on a commencé à expliquer déjà dans le chapitre Bab ou Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, c'est-à-dire le mérite du Tawhid et ce qu'il expie parmi les péchés. Et donc on a déjà expliqué plusieurs hadiths, comme on a déjà dit. On est au troisième maintenant, c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel il mentionne, il dit: An Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala Musa: Ya Rabbi, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi. قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ورواه ابن حبان والحاكم صححه. Donc ce hadith on l'a déjà traduit, on l'a expliqué plusieurs fois. C'est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Moussa alayhi salam a dit: Ô mon Seigneur, enseigne-moi quelque chose par quoi je pourrais me rappeler de toi et t'invoquer. Et il a dit: Ô Moussa, dis La ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors Moussa alayhi salam a dit à ce moment-là: tous tes serviteurs disent cela, hein? Tous tes serviteurs disent cette parole. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô Moussa, si les sept cieux ainsi que ceux qui sont autres que moi et les sept terres étaient dans un des plateaux de la balance, et que dans l'autre plateau de la balance on plaçait la parole de la ilaha illallah, eh bien la ilaha illallah aurait fait pencher la balance. Hein? Donc ça c'est pour montrer l'importance et le poids de cette parole, hein? Et que c'est plus lourd que les cieux et la terre. Et c'est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim qui l'a authentifié. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, il dit qawluhu law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghayri, ay kullu man fi as-samawati wal-ard, wa qawluhu ghayri istithna mimman fi as-samawati nafsihi li'annahu al-'aliyyul a'la تعالى وتقدس كما قال تعالى وهو العلي العظيم علو القهر وعلو القدر وعلو الذات علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. Donc on va expliquer ce point. Le Cheikh il explique, il dit: lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans les explications, dans qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il cite les paroles d'Allah, lorsque Allah a répondu à Moussa alayhi salam, il lui dit: si les sept cieux et ceux qui y habitent autres que moi, et donc le Cheikh il dit, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et lorsqu'il dit autres que moi, c'est une exception d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tout ce qui est dans les cieux, C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait une exception ici par rapport à ceux qui sont dans les cieux eux-mêmes. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus, il est au-dessus des cieux. Et il mentionne, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a qu'il est Al-Aliyu, Al-A'la. Al-Aliyu, ça veut dire le très haut. Al-A'la, ça veut dire le plus haut. Ta'ala wa taqaddas, qu'il soit exalté et qu'il soit sanctifié et purifié. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ce point-là et il dit وَهَذَا فِيهِ الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشَاعِرَةِ الَّذِينَ يُنْفُونَ عُلُوَ اللَّهِ عَلَى عَرْشِهِ فَهُمْ يُثْبِتُونَ عُلُوَ الْقَهَرِ وَعُلُوَ الْقَدْرِ وينفون علو الذات وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بجميع أنواع بأنواعه بجميع أنواعه الثلاثة. Donc le cheikh il explique ici que il y a dans cette explication du cheikh Abdurrahman ibn Hassan une réfutation des Jahmiyyah, des Mu'tazila, des Asha'ira, ceux qui nient le fait que Allah soit élevé au-dessus de son trône. Donc, eux, lorsqu'ils parlent du fait que Allah est élevé, ou bien par exemple le fait que Allah il a les noms qui indiquent qu'il est au-dessus, par exemple quand ils citent le nom Al-Ali ou Al-A'la, eux ils l'interprètent en disant que ça c'est uniquement Uluw al-Qahr et Uluw al-Qadr. C'est-à-dire, ils disent, ça veut dire seulement l'élévation de la force et de la contrainte et l'élévation de la puissance ou de la valeur, du statut. Et ils nient l'élévation d'Allah par son être, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit lui-même élevé au-dessus de sa création. Tandis que les gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, eux, ils affirment l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces trois significations et dans ces trois catégories-là, c'est-à-dire qu'il est Ali, Uluw al-Qahr, c'est-à-dire il est élevé dans le sens qu'il contraint sa création, comme Allah il dit dans le verset wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, c'est lui qui est le contraignant au-dessus de ses serviteurs, donc ça implique qu'il est celui qui a la contrainte et la force, et Uluw al-Qadr, c'est-à-dire qu'il est élevé dans la valeur, dans le statut, dans le respect que les serviteurs ont pour lui et de l'estime qu'ils ont envers leur créateur, pour leur créateur. Et Uluw al-Dhat aussi, et ça c'est important, c'est-à-dire que Allah est élevé par lui-même au-dessus de sa création. Ensuite, le cheikh il dit, donc il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa huwa al-aliyyul azim, verset 255, c'est ayatul kursi, la dernière partie du verset à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa huwa al-aliyyul azim, c'est lui le très haut, le très grand. Puis le cheikh il explique donc que c'est les trois catégories de ulou, ulou al-qahr, ulou al-qadr et ulou al-dhat. Donc si on te demande qu'est-ce que ça veut dire al-ulou ou qu'est-ce que ça implique, et tu peux répondre que ça implique trois choses, ou que ça implique ces trois choses-là. Uluw al-qahr, al-qahr, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le contraignant, al-qahir, celui qui a la force, et qui contraint ses serviteurs. Uluw al-qadr, c'est-à-dire l'élévation dans l'estime, dans le statut, dans la puissance. Et uluw al-dhat, il est élevé dans son être et sa personne, au-dessus de ses créatures. Donc, le cheikh il explique ensuite et il dit فَالثَّلَاثَةُ كُلُّهَا صِفَتُهُ وَدَلَّتْ عَلَى كَمَالِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَقَالَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَفِي سَبْعَةِ مَوَاضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وأمثال هذه الآيات. فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته. Donc le Cheikh il explique ici que ces trois caractéristiques à propos de l'élévation d'Allah et le fait qu'il est au-dessus de sa création et qu'il est celui qui est élevé, hein, eh bien ça c'est des choses qui sont des caractéristiques et des attributs d'Allah qui indiquent sa perfection. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 5 dans sourate Taha: Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Ar-Rahman, c'est-à-dire le tout miséricordieux, c'est Allah. 'Ala al-'arsh istawa, sur le trône s'est élevé. Le tout miséricordieux sur le trône s'est élevé. Et dans d'autres versets, comme sourate 59, sourate Al-Furqan, verset 59, il dit: Thumma istawa 'ala al-'arsh. Puis il s'est élevé sur le trône. Et dans sept autres endroits dans le Coran, il y a des versets dans le même sens. Donc dans sept versets, on mentionne Thumma istawa 'ala al-'arsh. Donc c'est pas un hasard. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, qui a été mentionné dans un verset comme ça, par hasard, ou bien, comme on dit, une seule fois, et comme si c'était juste en passant comme ça. Non, c'est quelque chose que Allah a répété à plusieurs reprises dans différents versets, dans différentes sourates, dans le Coran. Donc ça indique que c'est quelque chose qui est clair, qui est établi, qui est explicite, qui n'est pas quelque chose qu'on a le droit de déformer ou de changer dans son sens. Son sens est clair et voulu et explicite. Et donc, ceux qui le déforment et qui le nient, en essayant de l'interpréter autrement que par son sens réel, eh bien, ça veut dire que c'est des gens qui déforment la réalité de ce que Allah a mentionné comme attribut pour se décrire lui-même. Et sans oublier toutes les références qui ont été rapportées à ce sujet-là dans la Sunna, qui confirment, hein, cette explication et cette compréhension, hein, de ces versets-là, puis sans oublier également les paroles des sahaba et des tabi'in et des imams de la religion qui ont tous affirmé cet attribut tel qu'elle est mentionnée ici. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il fait un commentaire à propos de qu'est-ce qu'on a lu maintenant et des versets qu'on a mentionnés. Il dit: Ayatul istiwa 'ala al-'arsh fi sab'ati mawadi' min al-Qur'an kulluha bi lafz wahid استوى على العرش واستوى يعني ارتفع على العرش والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات فالاستواء ثابت على العرش والعلو أيضا ثابت كلاهما ثابت لله عز وجل والجهمية والمعتزلة ينفون الاثنين العلو والاستواء والأشاعرة كذلك الشيخ لم يذكر ولكن يعني هذا معروف. Donc le Cheikh il explique que les versets de Al-Istiwa sont dans sept endroits dans le Coran, comme on l'a expliqué. Le fait que Allah a mentionné Al-Istiwa 'ala al-'arsh, le fait qu'il s'est élevé sur le trône, il l'a mentionné à sept reprises dans sept endroits différents dans le Coran. Et elles sont tout le temps rapportées avec la même formulation. Hein? Istawa 'ala al-'arsh. Hein? ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. Donc c'est toujours la même formule, le même sens, la même signification, le même contexte, hein. Et donc le Cheikh il dit le verbe en arabe istawa signifie irtafa'a. C'est un synonyme, c'est un synonyme de irtafa'a. Et irtafa'a, hein, ça vient de la racine rafa'a yarfa'u. Rafa'a yarfa'u, ça veut dire élevé, hein. Si je prends par exemple quelque chose puis je le soulève, je dis rafa'tu, hein, rafa'tu hada, hein, rafa'tu al-kitab, rafa'tu al-kitab, hein, j'ai soulevé le livre, hein. Donc irtafa'a, ça c'est la forme, hein, ifta'ala, ça veut dire Allah s'est élevé lui-même, hein. Istawa, il s'est élevé sur le trône. Hein, il s'est élevé Ala, ça veut dire sur ou au-dessus. Donc ala irtafa, donc il s'est élevé. Istawa, ça veut dire irtafa, il s'est élevé. Ala, ça veut dire au-dessus ou sur. Et al-arsh, c'est le trône. Donc Allah s'est élevé au-dessus du trône. C'est ça que ça signifie. Hein? Contrairement aux gens de bid'ah et aux égarés qui disent non, ça ne veut pas dire s'élever, ça ne veut pas dire ça. Ils disent ça veut dire estaula, c'est-à-dire conquérir le trône, hein? Prendre le contrôle, le pouvoir sur le trône. Et ça, c'est bien entendu tout à fait faux, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui avait le contrôle sur son trône auparavant pour qu'il ait besoin de le conquérir. Hein? Et en même temps aussi, il a le contrôle et le pouvoir sur tout, pas seulement sur le trône. Donc pourquoi il aurait spécifié qu'il a le pouvoir sur le trône, puisqu'il a le pouvoir sur toute la création déjà? Donc c'est ridicule d'interpréter ça de cette manière. Hein? Et donc c'est clair que le sens de ce verset-là, c'est dans le sens que Allah l'a voulu, c'est-à-dire استوى بمعنى ارتفع. Et l'arche, le cheikh il explique, le trône c'est le toit de toutes les créatures et c'est la plus grande de toutes les créatures. Et le fait d'affirmer l'istawa, le nom ou le verbe l'istiwa, hein, de l'istiwa, istawa ou l'istiwa, ça c'est thabit, ça veut dire c'est confirmé. C'est quelque chose qui est confirmé, que Allah est élevé sur le trône, c'est quelque chose qui est affirmé et confirmé, on n'a pas le droit de le nier. De même que al-ulu, et on sait que al-istiwa et al-ulu, c'est deux choses différentes. Al-istiwa, c'est spécifique au trône, tandis que al-ulu, c'est général, c'est l'élévation au-dessus de toute chose. D'accord? Donc al-istiwa, c'est spécifique au trône. Et al-ulu, c'est général, au-dessus de toutes les créations, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Et les deux sont affirmés à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que les Jahmiyyah et les Mu'tazila et également les Asha'ira et les Maturidiyah, hein, parmi les Ahnaf et les Diobandiyah et autres, eux ils nient, hein, ils nient ces attributs-là. Ils nient ces attributs-là. Donc le cheikh, après avoir expliqué ça, il mentionne maintenant d'autres exemples de versets qui indiquent le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, mais par d'autres versets que les versets qui parlent de l'istiwa et le fait que Allah est sur le trône. Donc il va mentionner d'autres exemples dans d'autres versets, et donc on va les expliquer maintenant, ou on va les mentionner. Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit également, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce qui signifie, c'est vers lui que la bonne parole s'élève, et c'est vers lui que s'élève la bonne parole et les bonnes œuvres l'élèvent, hein? C'est-à-dire les bonnes œuvres élèvent les bonnes paroles. Et le cheikh explique ce verset-là par la suite. Il dit هذا من أدلة العلو إليه يصعد لأن السعود لا يكون إلا إلى أعلى والرفع أيضا والعمل الصالح يرفعه يعني والرفع لا يكون إلا إلى أعلى فدل على أنه سبحانه في العلو. Donc le cheikh il dit, parmi les preuves de l'élévation d'Allah et le fait qu'il est au-dessus de sa création, il y a le verset ilayhi yas'adu, et le verbe sa'uda yas'adu, ça veut dire s'élever aussi. Tu peux pas faire as-su'ud excepté vers ce qui est en haut, au-dessus de toi, vers le haut. Tu peux pas t'élever vers le bas, hein, ça c'est impossible, hein, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la langue. Tu peux pas dire quelqu'un s'est élevé en descendant. Ça, c'est pas possible. Hein? Ça n'existe pas dans la langue arabe. Ça n'existe pas non plus en français. Hein? Donc, quand tu t'élèves, hein, ça veut dire que tu vas vers ce qui est au-dessus, vers le haut, et non pas vers le bas. Et donc, si Allah dit que les bonnes paroles s'élèvent vers lui, ilayhi, hein, vers lui, s'élève, donc ça veut dire qu'il est au-dessus de ces créatures. Et la même chose pour le verbe rafa'a, comme j'ai dit tout à l'heure. Ar-raf'u, ça ne peut être que vers le haut. Tu ne peux pas élever quelque chose vers le bas. Hein? Et donc, ça indique, et tout ça c'est des preuves du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création, au-dessus de ses créatures. L'autre verset que ce verset-là, le verset qu'on vient d'expliquer, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ, c'est le verset 10 dans Surat Fatir. Maintenant, l'autre verset que le Cheikh a mentionné, وَقَالَ تَعَالَى يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, hein? C'est-à-dire le verset 50 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils craignent leur Seigneur de par au-dessus d'eux, hein? Par au-dessus d'eux. Et le Cheikh explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit, wa qawluhu min fawqihim, hadha ithbat, hadha fihi ithbat al-ulu, wal fawqiyya lillahi azza wa jal. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dise dans ce verset, à propos des anges, yakhafuna rabbahum min fawqihim, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux, hein, de par au-dessus d'eux. Donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé et qu'il est au-dessus. On a le droit de dire qu'il est fauq. Fauq. Fauq en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire au-dessus. Hein? Yani, si je dis par exemple, yani, hada, fauq hada, cette chose, elle est au-dessus de l'autre. Donc ça veut dire uniquement au-dessus. Si tu veux dire autre chose que fauq, le contraire de fauq, c'est taht. En arabe, taht, ça veut dire en dessous. Au-dessus, ça veut dire fauq. Ala, ça veut dire sur. Et on peut l'utiliser pour dire également au-dessus. Sur ou au-dessus. Ala. Et fauq, eh bien, ça c'est seulement pour dire au-dessus. Même si parfois on peut dire fauq en voulant dire sur, parfois. Hein? Quand on dit par exemple, al-kitab fauq at-tawila. En général, quand on dit fauq, ça veut dire au-dessus, mais parfois on peut l'employer dans ce sens-là aussi pour dire sur. Mais ici, c'est clair que lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, eh bien, on dit qu'il est au-dessus d'une manière qui convient à sa majesté, à sa grandeur, à sa perfection, et qui est différente de la manière des créatures. D'accord? Parce que Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et la même chose pour l'istiwa. Quand on dit qu'il s'est élevé sur le trône, eh bien, il s'est élevé d'une manière qui convient à sa perfection et à sa grandeur et à sa majesté. Donc, c'est pas une manière qui est comparable à celle des créatures. Donc, ça, c'est clair. الرحمن يعني ليس كمثله شيء. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il est l'audient et le voyant. Maintenant, ensuite, le Cheikh il mentionne un autre exemple. Le verset cité ici, c'est le verset 4 dans Surat Al-Ma'arij. Et un autre verbe qui est employé ici dans ce verset, c'est ta'ruju. Ta'ruju al-mala'ikatu wa-ruhu ilayhi. Et le verbe, hein, ou le nom de al-uruj, c'est comme as-su'ud ou al-istiwa. Hein? Al-su'ud, wal-istiwa, wal-uruj. Tout ça, ça indique des verbes ou des noms qui indiquent le haut. Et le fait de monter, le fait de s'élever, le fait d'aller vers qu'est-ce qui est plus haut. Hein? Donc, araja ya'ruju, ya'ruju, ça veut dire s'élever. Encore une fois. Hein? Donc le Cheikh il clarifie ce verset là, Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, il dit al-uruj huwa as-su'ud, al-uruj la yakunu illa ila a'la, fadalla ala anna Allah fi al-ulu, ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu, al-mala'ikatu khalqun min khalqi Allah wa hum 'ummar as-samawat, والروح نوع من الملائكة وقيل الروح جبريل عليه السلام فعطفه من فعطفه من عطف الخاص على العام فعطفه من عطف الخاص على العام. Donc le cheikh explique que al-uruj c'est la même chose, c'est un synonyme de as-su'ud. Al-uruj ya'ruju, ta'ruju al-mala'ika, les anges s'élèvent. Hein? Ilayhi yas'adu, s'élever. C'est vers lui que s'élève. Ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi. Donc ça c'est la preuve que Allah est élevé et qu'il est au-dessus de sa création. Les anges font partie des créatures d'Allah et ils sont les habitants des cieux. Et ar-ruh c'est l'âme, hein, parmi le cheikh explique, il dit war-ruh c'est une sorte parmi les anges qu'on appelle ar-ruh, et c'est en particulier ici Jibril alayhi salam, c'est l'ange Gabriel qu'on appelle l'esprit, hein, l'esprit saint, ar-ruh al-qudus. Et il dit wa qila ar-ruh Jibril, hein, où certains ulama ont dit que l'ange que ar-ruh c'est une catégorie d'ange. Certains ont dit que c'est une catégorie d'ange, d'autres ont dit c'est l'ange Gabriel qu'on appelle ar-ruh. Et il dit le fait de l'avoir appelé ou de l'avoir spécifié après avoir mentionné les anges, c'est comme si tu spécifies quelque chose après avoir mentionné quelque chose de général. Donc les anges s'élèvent et ainsi que l'esprit. Donc c'est l'esprit fait partie des anges, mais il est mentionné de façon spécifique pour montrer son statut, son degré élevé, son statut qui est particulier auprès d'Allah, hein, et son importance. Le cheikh il explique ensuite le verset 5, ou plutôt le verset suivant. يعني في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Il explique la fin du verset 4 dans Al-Ma'arij, c'est-à-dire que les anges s'élèvent vers lui ainsi que l'esprit, hein, dans un jour dont la durée est de 50,000 ans. 50,000 ans, ça c'est au jour de la résurrection. Cheikh Al-Fawzan il dit Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Ensuite il dit, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il cite un autre verset, le verset 55 dans Surat Al-Imran, en parlant d'Isa alayhi salam, lorsqu'il dit Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, hein? Donc il dit ici je prendrai yani inni mutawaffika, c'est-à-dire je vais te prendre et t'élever vers moi. Wa rafi'u, hein, rafi'u ça veut dire je vais t'élever, parce que rafa'a yarfa'u comme on a dit tout à l'heure, hein, ça veut dire d'élever quelque chose, de soulever quelque chose, et donc ici c'est dans ce sens-là encore une fois. Cheikh Al-Fawzan il explique ici, il dit lamma makara al-yahud bi'Isa alayhi salam wa aradu qatlahu hamahu Allah minhum wa qala Allah lahu inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa laysa al-wafat huna wafatul maut wa innama hiya wafatul qabd mutawaffika ya'ni qabiduka وفيه الحياء وقيل المراد بالوفاة وفاة النوم يعني أصابه نوع من النوم لأن النوم يسمى وفاة وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي وفاة النوم وقال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فالنوم وفاة صغرى فما أصاب عيسى عليه السلام هو من هذا النوع من الوفاة الصغرى التي هي النوم وليس المراد بالوفاة وفاة الموت لأن عيسى عليه السلام لم يمت بعد وهو حي لا يزال حيا إلى أن ينزل في آخر الزمان. إلى أن ينزل. بارك الله فيك أخي. نعم، إلى أن ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويحكم بشريعة الإسلام ثم يموت بعد ذلك، الموت الذي كتبه الله عليه، لأن الله عز وجل قضى بالموت على كل مخلوق منهم عيسى عليه السلام. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا في آخر الزمان، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Donc on va traduire ce passage là, puis on va continuer. Il y a une autre partie ensuite. On va la terminer ensuite à la suite de ça. Donc ici le cheikh il est encore en train d'expliquer le verset 55 dans sourate Al-Imran à propos de Jésus, Isa alayhi salam, et il dit ici que les Juifs avaient essayé de ruser et de comploter contre Jésus alayhi salam, et ils voulaient le tuer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé d'eux, et il lui dit: je vais te prendre et t'élever vers moi. Et le cheikh explique que le terme qui est utilisé ici, inni mutawaffika, en arabe al-wafat, c'est employé pour dire la mort, mutawaffika. Mais ici on sait que Jésus n'est pas mort, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé aux cieux, encore vivant. Donc le cheikh explique que en réalité le terme wafat ici, c'est wafatul qabd, soit qu'il l'a saisi, il l'a pris et il l'a élevé vers lui alors qu'il est encore vivant. Et d'autres parmi les savants ont expliqué ça d'une autre manière. Ils ont dit que en réalité ici le terme mutawaffika est employé dans le sens d'un sommeil et non pas de la mort. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait mis en état de comme s'il était endormi quand il l'a élevé vers lui. Donc il dit: je vais t'endormir et t'élever vers moi. Et donc il est touché par un genre de sommeil ou comme un coma ou quelque chose comme ça. Donc on appelle ça wafat aussi. Et il mentionne comme preuve à ce sujet-là le verset 60 dans sourate Al-An'am, parce que dans le verset 60 dans sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le sommeil la nuit et il le désigne par le terme wafat aussi. Donc on a dit le verset 60 dans sourate Al-An'am, donc on va lire la traduction. Il dit dans ce verset ce qui signifie: et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Et le terme en arabe, ça dit: huwa alladhi yatawaffakum bil-layl. Bil-layl, yatawaffakum. Donc ça, c'est le terme al-wafat. Il est employé dans ce verbe-là. La racine, c'est la même. Yatawaffakum bil-layl. Donc c'est lui qui vous fait mourir la nuit. C'est pas dans le sens de mourir ici, c'est dans le sens qu'il prend nos âmes pendant notre sommeil, et il dit: et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Donc le verbe mutawaffika, ou bien le mot mutawaffika, ça peut vouloir dire autre chose que mourir. Ça peut vouloir dire aussi le fait de le prendre alors qu'il est en état de sommeil ou endormi. Donc c'est ça que le cheikh explique ici, que le terme wafat, yatawaffakum bil-layl, ça veut dire le sommeil ou bien le fait d'être endormi. Et un autre exemple à ce sujet là un verset encore plus clair, c'est le verset dans surat az-zumar, le verset 40-42. Et dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne clairement, il dit: Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Donc ce verset-là, ça signifie Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Hein? Donc le terme est employé ici, yatawaffal anfus, hein? Il prend les âmes, en fait c'est dans le sens de prendre les âmes ici, il prend les âmes des hommes au moment de leur mort et celles qui ne sont pas encore mortes au moment de leur sommeil, il prend aussi leur âme. Et après il dit, il retient celles à qui il a décrété la mort, donc ceux qui ont été décrétés pour qu'ils meurent à ce moment-là, eh bien Allah garde leur âme, tandis que ceux qui sont en train de dormir et qui ne sont pas encore morts, eh bien il renvoie leur âme, hein, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé, jusqu'au moment où Allah a fixé qu'ils vont mourir. Et donc à chaque nuit, on a, qu'est-ce que le cheikh explique ici? C'est ça, c'est que le sommeil, on l'appelle al-wafat al-sughra, c'est-à-dire le sommeil, on l'appelle la petite mort. Ok? Pourquoi on l'appelle la petite mort? Parce que Isa n'était pas encore mort. Hein? Parce que Isa n'était pas encore mort et qu'il est vivant encore et il continue à vivre jusqu'à ce qu'il redescende sur terre à la fin des temps pour tuer le Dajjal, hein, le faux messie, et il va juger à ce moment-là selon la charia de l'islam et les règles de l'islam, et ensuite il va mourir une mort ordinaire comme tous les autres êtres humains qui meurent, parce que la mort c'est quelque chose qui a été prescrit par Allah pour tous les êtres humains. Et il dit dans le Coran, kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Donc la mort c'est quelque chose qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les créatures, pour tous les hommes. Et il dit donc que à ce moment-là, quand Isa va revenir à la fin des temps, hein, il va vivre, il va faire qu'est-ce qu'il a à faire parmi les missions qu'il a à accomplir, et il va mourir à la fin de sa vie comme tous les êtres humains. Il va être enterré, hein, et on va prier sur lui, et il va être ressuscité au jour de la résurrection comme tous les êtres humains vont être ressuscités avec les prophètes et les messagers, hein. Ça c'est, hein, la réalité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet-là. Et il mentionne le verset 159 dans Surat An-Nisa. Hein, dans Surat An-Nisa, je vais vous lire la traduction de ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 159 ce qui signifie. Donc il dit, ils ne l'ont pas tué, hein, certainement, mais Allah l'a élevé vers lui. Et il est puissant et sage. Et le verset 159, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Hein? Et donc, à quoi Allah subhanahu wa ta'ala fait référence ici avant sa mort? C'est-à-dire lorsqu'il va revenir à la fin des temps. Hein? Donc, il n'y a pas de gens du livre, excepté, hein, qu'ils auront la foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Hein, au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Et ensuite, le cheikh explique donc, il dit, وَرَافِعُكَ إِلَيَّ رَفَعَهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَلْقَى الشَّبَهَ عَلَى الَّذِي دَلَّهُمْ عَلَى الْمَكَانِ فَقَتَلُوهُ يَظُنُّونَ أَنَّهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ولهذا قال ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك والشاهد في قوله ورافعك إلي هذا فيه إثبات العلو لله لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. Donc le cheikh il dit وَرَافِعُكَ, il explique le verset 55 dans surat Al-Imran, وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, c'est-à-dire je vais te faire monter vers moi, je vais te faire monter vers moi, je vais t'élever vers moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé, c'est-à-dire il a fait monter Isa alayhi salam vers lui parmi, alors qu'il était parmi eux et sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc il s'est élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala alors que eux ils étaient là autour de lui et ils ne se sont pas aperçus de ça, et la ressemblance de Isa a été mis sur le traître qui avait dénoncé Isa et qui avait indiqué aux juifs et aux autres où est-ce qu'il se trouvait. Alors ils l'ont attrapé et ils l'ont crucifié et ils l'ont tué pensant que c'était Jésus, alors qu'en réalité c'était pas lui, c'était celui qui l'avait dénoncé. Donc certains disent que c'était Judas. Donc c'est ça. Et le cheikh il dit, et eux ils pensent qu'ils ont tué Jésus alors qu'en réalité ils ne l'ont pas tué. Donc en fait les juifs sont innocents d'avoir tué Jésus. Même si les chrétiens ils ont accusé pendant des siècles les juifs d'avoir tué Jésus. Premièrement, ils ne l'ont pas tué puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. Ça c'est de un. Et donc il n'est pas mort, et il n'est donc pas ressuscité. Et le cheikh explique, il dit, eux ils pensent qu'ils ont tué Jésus, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 157 dans surat An-Nisa, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais c'est ce qui leur est apparu. C'est ce qu'on leur a fait voir. Et vous savez que c'est ça que j'étais en train hier soir j'étais en train de regarder des débats, et c'est des débats en fait entre, wa alaykoum salam wa rahmatullah, un débat entre un catholique et un protestant. Okay. J'aime ça voir ces débats là parce que c'est là que tu vois en réalité comment leur religion est vraiment loin dans l'égarement. Donc quand je regardais ça et je suis tombé sur d'autres sites et d'autres explications à propos des chrétiens, puis il y a beaucoup de débats entre eux parce que vous savez que les protestants sont arrivés bien tard après les catholiques, les catholiques sont apparus un peu plus tard, sont apparus un peu après Jésus, tandis que les protestants eux sont venus plus tard, plusieurs siècles après. Donc les catholiques et les protestants ils s'envoient des flèches les uns les autres, d'accord, puis ils essaient de dire finalement tout qu'est-ce que l'Église enseigne c'est présent dans les textes, ça existe dans nos textes, dans la Bible. Et les protestants, en réalité, ils n'ont pas le choix d'admettre ça parce qu'en réalité, la plupart des enseignements de l'Église sont basés sur les enseignements de Paul. Mais Paul, c'est lui qui est le vrai fondateur du christianisme en réalité. Pourquoi ? Parce que la vérité, il n'a jamais connu Jésus pendant qu'il était sur terre. Pendant tout le moment que Isa alayhi salam était présent sur terre, Paul n'a jamais été avec lui, n'a jamais vécu avec lui, n'a jamais été présent lorsqu'il était là, n'a jamais cru en lui pendant toute cette période. Et c'est après le départ de Jésus, après que Allah l'ait élevé aux cieux, que lui est apparu sur la scène. C'était un Romain d'origine, c'était un juif d'origine juive, mais de nationalité romaine, qui connaissait la loi romaine et en même temps qui avait étudié avec les rabbins de son époque, donc il connaissait la loi juive aussi. Hein? Et lui, il s'est introduit parmi les apôtres, hein? Et il a commencé à prêcher. En réalité, c'est lui qui a écrit tous les textes que les chrétiens utilisaient, les premiers fidèles, hein, des chrétiens. C'est eux qui, ils se basaient sur les enseignements de Paul et sur les écrits de Paul. Donc, tout le dogme, les croyances, les idées, tout ce qui était propagé à propos du christianisme, ça vient uniquement de Paul à la base, hein. Et même les quatre évangiles, hein, l'évangile de Marc, de Matthieu, de Luc, de Jean, et même les actes des apôtres, tout ça, ça a été écrit après les apôtres, après la mort des apôtres, et même après la mort de Paul lui-même aussi. Hein? Les évangiles ont été écrits après la mort de Paul, et ils ont été écrits après la mort des apôtres eux-mêmes aussi. Donc, ça veut dire que les textes de Paul, hein, les textes que les chrétiens avaient, avant même d'avoir les évangiles, ils avaient les lettres de Paul. Et c'est là-dessus qu'ils se basaient pour déterminer leur croyance. Hein. Donc ça veut dire que leur religion, hein, quand tu dis que l'évangile de Jean, par exemple, a été écrit 90 ans après Jésus, et les autres 60 ans ou 50 ans après, ou 70 ans après. Donc ça veut dire que c'était pas des témoins, c'était pas des gens qui étaient présents à l'époque de Isa alayhi salam qui ont écrit ça. Hein. Donc ils ont pu dire des choses, n'importe quoi, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé selon ce qu'ils ont vu eux. Hein. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, il explique que il leur a fait croire qu'ils avaient tué Jésus, mais ils ne l'ont pas tué réellement. Mais comment ces gens-là pouvaient-ils savoir ça, puisque ce sont pas des prophètes? Ce sont pas des prophètes. Ils ont pas de révélation. Ils peuvent pas savoir le raïb. C'est normal. Donc, quand tu regardes le verset que le cheikh a mentionné, il dit dans le verset 157 dans Surat An-Nisa, mais ils ne l'ont pas tué. Et ils ne l'ont pas crucifié. Ils ne l'ont pas crucifié. Ça veut dire, ici, c'est le fait de faire ressembler, de donner l'apparence, hein, de quelque chose. La réalité, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais eux, ils ont eu cette apparence-là. Et la raison pourquoi les choses ont été faites de cette manière par Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé cette ruse contre eux? Parce que eux ont essayé de ruser, hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka. Hein? Donc il dit, ils ont comploté et Allah a comploté, et Allah est le meilleur des comploteurs. Ils ont rusé et Allah a comploté, hein? Ils ont voulu faire des complots contre Allah, hein? Et contre Isa, et bien Allah subhanahu wa ta'ala a comploté contre eux. Et il dit, et Allah est le meilleur des comploteurs, et il dit, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Isa, hein, je vais te prendre, hein, te faire dormir et t'élever vers moi et te purifier. Donc, qu'est-ce qu'on veut tirer de ce verset-là? Comme le cheikh explique, ash-shahid fi qawlihi wa rafi'uka ilayya. Ici, on veut utiliser le verset ou la partie du verset lorsque Allah dit « et je vais t'élever vers moi » comme preuve pour affirmer le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Il est au-dessus de sa création parce que le terme « rafa », hein, « rafa yarfa'u » ne peut être que vers le haut. On ne peut pas dire « élever vers le bas », ce n'est pas possible. Donc, une autre preuve encore que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْآيَاتِ وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْآيَاتِ فَمَنْ سَلَبَ عُلُوَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ فَقَدْ خَالَفَ صَرِيحَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَأَلْحَدَ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Donc le Cheikh, il dit, et il y a beaucoup d'autres exemples de versets de ce genre dans le Coran. Et il dit, donc quiconque veut retirer l'attribut d'Allah du fait qu'il est au-dessus de sa création, qu'il est Al-Aliyul A'la, le très haut, le plus haut, au-dessus de sa création, alors il a contredit ce qui est explicite et clair du Coran et de la Sunna, et il a dénaturé les versets à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh, il explique, il dit, وَمَعْنَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ نَفْيُ الْإِلَهِيَّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهَا. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique, وَمَعْنَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ أي كَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ نَفْيُ الْإِلَهِيَّ عَنْ مَا سِوَى اللَّهِ وإثباتها لله عز وجل فليس هناك إله حق فليس هناك إله حق إلا الله وما عداه فهي آلهة باطلة المعبودات تسمى آلهة تسمى إله كما قال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة وقال سبحانه Animshu wasbiru ala alihatikum. Donc le Cheikh, il explique que la signification de la parole de la ilaha illallah, ça signifie de nier toute adoration et toute divinité à autre, à toute chose, excepté celui qui a été mentionné comme étant l'exception, c'est-à-dire Allah. Illallah, illa, ça c'est adat istifna ou bien harf istifna. Et qu'est-ce qui est mentionné dans cette exception-là comme étant l'exception? C'est Allah, c'est-à-dire c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est batil, est faux. Et donc Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, c'est ça la signification de la ilaha illallah, la négation de la divinité et de l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah, et de l'affirmer pour Allah seul. Donc il n'y a rien qui puisse être adoré et être vrai excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les divinités que les hommes adorent, eh bien c'est faux. C'est des adorations fausses et des divinités qui sont fausses. Et on les appelle divinités, on les appelle aliha, et on les appelle des dieux ou des divinités comme Allah les a appelés aliha. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. A-t-il fait des divinités une divinité unique? Et dans le verset, lorsqu'il mentionne les paroles de... Ça fait partie des exemples que Allah a mentionné des paroles des mushrikines dans Surat Sad, verset 5. A-t-il fait des divinités une divinité unique? Et quand ils disent, marchez, soyez endurants vis-à-vis de vos idoles, vis-à-vis de vos divinités, c'est-à-dire de vos dieux. Parce qu'il les appelle, ces divinités-là, ces idoles-là, il les appelle des dieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, dans Surat Al-Furqan, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. C'est-à-dire, ils adorent, ils ont pris en dehors de lui des divinités, des dieux, qui ne peuvent rien créer et qui sont eux-mêmes créés, et qui ne détiennent pour eux-mêmes ni le pouvoir de nuire, ni de profiter, ni de nuire, et qui ne détiennent ni le pouvoir de faire mourir, ni de faire vivre, et ni de faire ressusciter. Donc tout ça, c'est des preuves que ces idoles-là sont appelées des dieux, sont appelées des divinités, mais elles ne méritent pas l'adoration, parce que ce sont des fausses divinités, des divinités fausses. Et le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah, parce que c'est le seul qui est vérité, qui est véridique. Et il dit, wa huwa Allah ta'ala wa fihi nafy al-ilahiyyati 'an kulli shay'in siwa ma istuthniya minha wa huwa Allah ta'ala wa fihi an-nass على أن الأراضين السبع كالسماوات، ولكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها، كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود، فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها، كعدم القبول ممن دعي إليها علما وعملا، وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه. Donc ça c'est un paragraphe ici, le cheikh il explique que donc la signification de la ilaha illallah, comme on l'a dit, c'est la négation de l'adoration ou de la divinité de tout ce qui existe, excepté celui qui a été mentionné comme étant exception, hein, en dehors de cette énoncé-là, l'exception c'est Allah, c'est-à-dire c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et donc dans le hadith qu'on est en train d'expliquer, le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, qui mentionne que si on prend les sept cieux et les sept terres et tout ce qu'il y a dedans et qu'on les met sur un plateau de la balance et qu'on prend la ilaha illallah et qu'on le met dans l'autre plateau de la balance, eh bien la ilaha illallah va être plus lourd dans la balance que les sept cieux. Eh bien ici le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit le fait que cette parole soit plus lourde que les sept cieux et que ce soit une preuve de la grandeur de cette parole-là, ça ce sera uniquement vrai au jour de la résurrection pour la personne qui a prononcé cette parole mais qui l'a prononcée avec ses restrictions et avec ses conditions, c'est-à-dire les conditions qui ont été établies pour cette parole dans le Coran et dans la Sunna. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans plusieurs versets, et dans Surat Bara'a par exemple, Surat Tawbah, on l'appelle Surat Bara'a, parce que ça commence par ce mot-là, Bara'atun min Allahi wa Rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Donc on l'appelle Surat Tawbah, on l'appelle Surat Bara'a, c'est la Surat 9 dans le Coran, et d'autres également, dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dedans plusieurs personnes qui ont prononcé la ilaha illallah ou qui disent la ilaha illallah, mais pour qui cette parole-là n'aura aucune utilité au jour de la résurrection, comme les gens du livre par exemple, et comme les munafiqines, les hypocrites, avec leurs différentes catégories et leurs différentes sortes d'hypocrisie. Et donc le fait qu'ils aient prononcé la parole de la ilaha illallah avec ce qu'ils ont comme contradiction et comme opposition aux différentes conditions de la ilaha illallah, eh bien ça ne va pas leur profiter de l'avoir prononcé, comme celui qui prononce la ilaha illallah sans savoir qu'est-ce que ça signifie, hein, et pourquoi cette parole a été établie, comme cela a été clarifié, et le fait que la parole de la ilaha illallah indique la négation du shirk et le désaveu du shirk et de ceux qui le font, et ainsi que la véracité dans le fait de le prononcer, et la sincérité et la pureté d'intention, la pureté dans l'action aussi, dans les actes qu'on fait, de les purifier de toute forme de shirk. Donc celui qui la prononce, hein, sans avoir respecté ces conditions-là, eh bien ça ne sera pas accepté de lui. De même que la personne qui la prononce sans accepter ce que ça implique comme action et comme science, lorsqu'on l'invite à l'accepter. Et il dit également wa tarku l'inqiyadi wal amali bima taqtadihi, c'est-à-dire l'abandon de la soumission et de l'application, hein, de la soumission aux actions impliquées par ce qui est dit dans cette phrase là de la ilaha illallah. Et ici, le Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires, et nous, on va s'arrêter après l'explication des commentaires reliés à ce paragraphe. Donc, le Cheikh, il dit ici, pour premièrement, donc par rapport au hadith qui mentionne le poids de la ilaha illallah, et que c'est plus lourd que ce qui est dans les sept cieux et les sept terres, il dit لأنه قال والأراضين السبع فنص على أنها سبع. Donc le cheikh il dit qu'il y a autant de terres que de cieux, puisque Allah il dit qu'il y a sept cieux et il mentionne aussi sept terres. Donc ça c'est la preuve qu'il y a le même nombre de terres. Et il dit, il indique également dans un autre verset, le verset 12 dans sourate At-Talaq, وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, c'est-à-dire il y a autant le même nombre de terres que le nombre de cieux. Et il dit وَالْمِثْلِيَّ تَقْتَضِي الْمِثْلِيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا سَبْعُ طَبَقَاتٍ. Donc ça c'est le fait qu'on dise par exemple que les sept terres sont comme les sept cieux, eh bien ça implique une ressemblance ou une comparaison égale dans tout, et y compris le fait que les sept terres soient en degrés. Comme les sept cieux sont en étage, eh bien les sept terres sont en étage aussi. Le cheikh il dit ensuite الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها. Donc le fait que la parole de la ilaha illallah fasse peser la balance ou fasse pencher la balance du côté de la ilaha illallah, alors que de l'autre côté il y a les sept cieux et les sept terres, il dit ça c'est seulement pour celui qui a dit cette parole là et qui a respecté ses conditions. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant laysat mujarrad kalima fala tarjahu bis samawati wal ard illa liman akhlasa hadhihi al kalimati lillah azza wa jalla wa ata bi shurutiha amma man qalaha aw amma man yaquluha mujarrad lafz wala yastahdhir ma'naha aw yufassirha bighayri tafsirha al sahih أو يعبد غير الله وهو يقولها هذا لا تنفعه لا إله إلا الله مع وجودها لا تنفعه يعني وهو يقولها يعني أو يعبد غير الله وهو يقولها هذا لا تنفعه لا إله إلا الله وجودها كعدمها. لذلك كثير من الوثنيين الآن وعباد الأضرحة يرددون لا إله إلا الله في الأوراد والصباح والمساء ويأخذون بالفضائل التي وردت لكن لا يعملون بالمقصود. لذلك يدعون الموتى وهذه الأضرحة والأولياء والصالحين ويرددون هذه الكلمة مجرد ترديد بلا فائدة, لا ينفون ما نفته ولا يثبتون ما أثبتته, مجرد كلام يرددونه من غير فهم أو من غير عمل والعياذ بالله فلا تنفعهم لا إله إلا الله. Le Cheikh il dit c'est pas juste une parole que tu dis la ilaha illallah, c'est à dire c'est pas juste quelque chose que tu répètes comme ça, parce que si tu fais juste le répéter sans respecter les conditions, eh bien le Cheikh il dit c'est comme si dans ce cas là tu peux pas espérer que cette parole pour toi va être plus lourde que les cieux et la terre. C'est seulement dans le cas de la personne qui l'a prononcé et qui a été sincère et pure lorsqu'il l'a prononcé dans son cœur et lorsqu'il l'a prononcé avec sa langue, mais dans son cœur il a été sincère, il a été pur, il a été sur le tawhid, il a respecté ce que ça implique, il a ramené les conditions qui sont reliées à cette parole. Si c'est quelqu'un qui ne fait que la prononcer comme ça sans comprendre ou sans avoir compris le sens de la parole elle-même et son explication, ou qu'il l'a expliqué ou interprété mais d'une interprétation qui n'est pas authentique, ou qui n'est pas exacte, ou bien qui la prononce en adorant autre que Allah en même temps. Hein, par exemple, il dit la ilaha illallah en même temps qu'il est en train de prier à des morts ou à des tombes. Il dit, cette personne-là, même si elle dit la ilaha illallah, ça ne va pas lui profiter. Et le fait de le dire, c'est comme si c'est équivalent à ne pas l'avoir dit. Pourquoi? Parce que il contredit sa signification. Et c'est pour ça que beaucoup d'idolâtres aujourd'hui, et beaucoup d'adorateurs de tombes aujourd'hui, ils répètent la ilaha illallah jour et nuit, hein, dans leur petit livre de zikr et de dua qu'ils récitent le matin et le soir. Ils récitent les dua dans lesquels il y a la parole de la ilaha illallah, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Alors ils continuent en même temps à invoquer les morts et à prier les tombes et à appeler les awliya et les hommes pieux et les saints, et ils répètent la parole de la ilaha illallah juste comme ça. Ils le répètent seulement sans aucun profit, sans aucun bienfait, hein, sans que ce soit vraiment profitable pour eux, parce que ils nient qu'est-ce que cette parole-là signifie et implique, et ils n'affirment pas ce que cette parole affirme, et ils ne nient pas ce que cette parole nie. Ils ne font que répéter une parole sans aucune compréhension et sans aucune pratique réelle de ce que cette parole-là signifie. Wal'iyadhu billah. Donc, elle ne leur sera pas profitable. Même s'ils disent la ilaha illallah un milliard de fois, s'ils continuent à faire qu'est-ce qu'ils font, ça ne fera aucune différence pour eux au jour de la résurrection. Et ensuite, le cheikh, il mentionne le fait que les conditions de la ilaha illallah doivent être respectées, et il mentionne l'exemple de ceux qui prononcent la ilaha illallah mais qui ne l'appliquent pas, comme par exemple yani les gens du livre et les munafiqin. Et il dit, cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, Ahlul kitab yaquluna la ilaha illallah wa qad qala Allah ta'ala fi surati Bara'ah قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله ولكن يقولون المسيح ابن الله عزير ابن الله ويدعون الموتى ويبنون على القبور لا فلا تنفعهم لا إله إلا الله فالله أمر بقتالهم وهم أهل كتاب وكذلك المنافقون في سورة التوبة ذكر الله معائبهم وكرر صفاتهم في هذه السورة حتى سميت السورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وهم يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم يعني لما لم يقولوها بصدق إنما يقولونها نفاقا بل جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان وهم يقولون لا إله إلا الله كما أن أهل الكتاب لما لم يخلصوا لله بل أشركوا مع الله يعني لم تنفعهم هذه الكلمة. Le cheikh explique ici que les gens du livre, ils disent la ilaha illallah. Les juifs, ils disent la ilaha illallah. Hein? Ils disent la ilaha illallah, les juifs. Et les chrétiens aussi. Si tu demandes aux juifs, c'est qui votre créateur? Ils vont dire c'est Allah. Si tu leur demandes combien il y a de divinités, hein? Combien il y a de dieux, ils disent il y a un dieu, un seul dieu. Un dieu, il est unique. Ils disent ça. Les chrétiens aussi, ils disent qu'il est unique. Sauf que, ils disent par la suite, il est unique, mais il est trois en un. Hein? Et Jésus, il l'adore. Et Marie, il l'adore. Et les saints, il l'adore. Et les juifs, hein, eh bien, ils disent, par exemple, Uzair ibn Allah. Ils appellent les anges fils d'Allah. Hein, ou fils d'Allah, ou fils d'Allah. Ils attribuent à Allah des fils et des filles. Et également, ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala avec des attributs de faiblesse et d'ignorance, comme par exemple lorsqu'ils disent que le septième jour il s'est reposé, ou des choses de ce genre. Hein? Donc qu'est-ce qu'il explique ici, le cheikh? Il dit ces gens-là, ils disent la ilaha illallah, mais n'empêche que Yani, ils ne respectent pas, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque, par exemple, tu les vois, ils adorent des, ils prient à des morts, ils prient à des saints, ils construisent des cathédrales et des temples sur les tombes, des mausolées sur les tombes des prophètes et des hommes pieux, et ils les invoquent en dehors d'Allah, ils font du shirk avec eux, et donc, la ilaha illallah ne leur sera d'aucune utilité, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de les combattre, alors qu'ils sont des gens du livre, et c'est ainsi que les hypocrites également, dans Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné leur blâme, et il a mentionné leurs caractéristiques, et c'est pour ça que même Surah Tawbah, on l'appelle Surah Bara'a, et on l'appelle aussi Surah Al-Fadiha. Al-Fadiha, ça veut dire quoi? Celle qui a démasqué, qui a montré la vraie face des munafiqin, des hypocrites. Et donc, ils disent la ilaha illallah, hein, ces gens-là. Il disait la ilaha illallah, il faisait la salat, il priait avec les musulmans, il faisait le djihad même avec les musulmans, il faisait beaucoup d'actes d'adoration avec les musulmans. Mais ça ne leur a profité à rien de dire la ilaha illallah, parce qu'ils ne la disent pas avec véracité, avec sincérité. Ils la disent hypocritement. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a même placés dans le Coran en disant qu'ils sont dans le degré le plus bas, hein, de l'enfer. En dessous des idolâtres, en dessous des adorateurs d'idoles. Donc ils sont plus profondément dans l'enfer que les adorateurs d'idoles. Pourquoi? Parce qu'ils disaient la ilaha illallah, hein, et ils n'y croyaient pas réellement. Ils se faisaient passer pour des croyants. De même que les gens du livre, lorsqu'ils n'ont pas été sincères, ils n'ont pas purifié leur adoration pour Allah, hein, ils ont fait du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le fait de dire que Allah est unique, hein, ça ne leur a servi à rien, hein, et le fait de prononcer ou de dire la ilaha illallah, hein, ça ne leur a servi à rien. Et beaucoup d'entre eux, quand tu leur expliques, même quand ils traduisent, tu vois que les juifs et les chrétiens parfois ils écrivent des livres sur l'islam et ils veulent expliquer par exemple qu'est-ce que c'est l'islam aux autres chrétiens, aux autres juifs. Ils ont écrit des petits livrets, des petits pamphlets, des petites brochures ou des livres qui parlent de l'islam et qui expliquent qu'est-ce que c'est l'islam. Des fois, ils parlent de ça, ils mentionnent ça dans des livres dans lesquels ils expliquent plusieurs religions en même temps. Donc, tu vois, dans un livre, par exemple, ils écrivent les grandes religions, puis là, après, ils écrivent à l'intérieur le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, et puis ils mettent plein d'autres religions comme ça. Puis là, quand tu lis la section sur l'islam, ils traduisent, ils disent le premier pilier de l'islam, c'est « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Puis quand ils le traduisent, ils disent « Il n'est de Dieu que Dieu » ou « Il n'y a pas de Dieu, excepté Dieu » ou des choses comme ça. Donc ça, cette traduction-là, c'est une traduction qui n'a aucun sens en réalité, c'est-à-dire elle ne rajoute rien, elle n'enlève rien. Hein, il n'est de Dieu que Dieu, tout le monde sait ça. Hein. Même les chrétiens, ils savent ça, ils sont d'accord avec ça. Va dans la rue, va même à l'église, demande à un prêtre, est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu? Et c'est presque garanti à 100% qu'ils vont tous dire oui, on est d'accord avec ça. Hein. Il n'y a personne qui va dire non, il y a un autre Dieu que Dieu. Parce que si tu dis il n'est de Dieu que Dieu, ça veut dire que yani, il y a personne qui est Dieu sauf Dieu. Est-ce que quelqu'un va être contre cette signification-là s'il croit en Dieu? Non, c'est impossible d'être contre ça, parce que yani, c'est comme un genre de syllogisme. Hein? C'est comme si je dis, par exemple, yani, ce stylo est un stylo. Hein? Dieu est Dieu. Oui, Dieu est Dieu. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. Parce que si c'était ça la signification de la ilaha illallah, tout le monde l'aurait dit. Les juifs l'auraient dit, les chrétiens l'auraient dit, les mouchriquines l'auraient dit aussi, même les mouchriquines de Quraysh, ils n'auraient pas combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam si c'était ça la signification de la ilaha illallah. Si la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'est de Dieu que Dieu, ils n'auraient pas combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ça. Ils auraient dit, oui, ça c'est correct, on est d'accord avec ça, c'est quoi le problème? Hein? Tu veux qu'on dise qu'il n'est de Dieu que Dieu? Ok, il n'est de Dieu que Dieu. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils ont dit Allah. Est-ce que ça les a fait rentrer dans l'islam de dire que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre? Ça les a pas fait rentrer dans l'islam. Hein? Ça prouve que le tawhid, hein, c'est autre chose. En réalité, c'est quelque chose de plus que ça. Ça, c'est le fait de reconnaître l'existence d'Allah et le fait de reconnaître son unicité, hein, le fait qu'il est un et qu'il est unique. Ça, c'est une chose, mais c'est pas suffisant pour être muwahhid. C'est pas suffisant pour être sur le tawhid. Pour être sur le tawhid, il faut quelque chose en plus de ça, c'est-à-dire que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et que tu acceptes que ce soit uniquement Allah qui mérite d'être adoré et que tu renies le shirk et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et les mushrikines. Donc là, on comprend pourquoi ça cause un problème. Lorsque tu dis ça, là, on comprend pourquoi ça cause un problème à ces gens-là. Parce que là, tu dis aux chrétiens, est-ce que tu es d'accord de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, seul, le Créateur, personne d'autre que lui? Alors là, ça leur cause un problème parce que eux, ils adorent d'autres que Allah. Hein? Ils adorent d'autres que Allah. Donc c'est soit que s'ils vont continuer à faire ça, c'est soit qu'ils ne savent pas qu'est-ce que le mot adoration signifie. Non. Donc parfois ils font ça, des fois ils disent. Ils disent, non, mais quand on prie, on se met à genoux devant la statue, on demande, hein, devant la statue, ça c'est pas de l'adoration. Hein? Ils essaient de nier la signification du mot adoration. Ils l'interprètent. Ils disent, non, c'est seulement, on montre du respect. Ou bien ils vont dire, non, on les adore pas, c'est juste, on les prend comme des intercesseurs, des intermédiaires. Hein? Dans le sens que, ils sont plus proches de Dieu que nous, donc on les prend comme intermédiaires pour qu'ils nous rapprochent plus à Allah. Comme Allah a mentionné à propos des mushrikines, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. C'est-à-dire, ils prennent en dehors d'Allah, ils adorent en dehors d'Allah ceux qui peuvent ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ça, c'est leur explication pour essayer de justifier leur shirk. Hein? Mais n'empêche que ça reste du shirk. Hein? Et le cheikh, il dit donc, hein, وَتَرْكُ الْإِنْقِيَادِ بِالْعَمَلِ بِمَا تَقْتَضِيهِ. Donc il faut respecter, comme on a dit, toutes les conditions et toutes les règles, et sinon ce ne sera pas accepté. Et le cheikh Al-Fawzan, il commente à propos de ça, puis on va terminer avec ce dernier paragraphe. Il dit, وَمِثْلُهُ الْآنُ أُنَاسٌ مَعَ الْأَسَفِ يَكْرَهُونَ أَنَّ النَّاسَ يُبَيِّنُونَ لَهُمُ التَّوْحِيدِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الشِّرْكِ هذه مصيبة، هذه كراهية لمدلول هذه الكلمة، يصفون الذين يدعون إلى التوحيد بأنهم يريدون تفريق المسلمين ويريدون إلى آخره وما يقولونه إلى آخر ما يقولونه. وهذا من كراهية ما تدل عليه وعدم القبول لها، نسأل الله العافية. على الإنسان أن يحذر أن يكون من هؤلاء الذين لا يقبلون هذه الكلمة ولا ينقادون لها، وإنما ينقادون لمذاهبهم وأحزابهم ومناهجهم. وأما من دعا إلى توحيد الله ونهى عن الشرك، هذا يعتبرونه ثقيلا منفرا إلى آخر ما يقولون، وأن هناك شيء أهم يقولون، هذه جزئيات، الدعوة إلى وحدة المسلمين وكذا وكذا أهم. سبحان الله، المسلمون يتحدون بدون توحيد وبدون إخلاص لله عز وجل؟ لا يمكن هذا. صحح الأساس أولا، ثم بعد ذلك ادعو إلى الاجتماع، الاجتماع مطلوب والتفرق منهي عنه، ولكن الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم يقل اجتمعوا فقط، بل قال واعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو التوحيد وهو الدين وهو الإسلام. الاجتماع لا يحصل إلا بالتوحيد والإسلام والإيمان. Donc, Le cheikh, il dit ici, l'exemple qu'on voit actuellement, c'est ça malheureusement. Beaucoup de gens, ils détestent ceux qui clarifient aux autres le tawhid et qui interdisent aux autres de faire du shirk. Et ça, c'est un malheur. Le cheikh, il dit, tu vois que des gens, quand ils agissent de cette manière, c'est-à-dire, si toi tu appelles au tawhid ou tu interdis le shirk, hein, ils te trouvent dérangeant. Hein. Ils veulent même parfois te décourager ou te dire, arrête, laisse les gens. Hein. Tu divises les musulmans quand tu fais ça. Et le cheikh, il dit, le fait de détester cette clarification du tawhid, eh bien, c'est comme si tu détestais le tawhid lui-même. Hein? Tu détestes la ilaha illallah en réalité. Parce que ceux qui appellent au tawhid, ils les décrivent comme étant des gens qui veulent diviser les musulmans et qui veulent, et qui veulent, et qui veulent, et qui veulent. Ila akhirihi. Donc il dit ça, ça indique que la personne en question, elle déteste ce que signifie et ce qu'implique la ilaha illallah, parce qu'elle ne veut pas que tu le clarifies aux autres. Et ça, ça indique que la personne n'a pas accepté la réelle signification de la ilaha illallah. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh, il dit, l'être humain, il doit donc faire attention. Il doit être sur ses gardes à propos de ces gens-là qui n'acceptent pas ce que signifie cette parole et qui refusent de se soumettre à la réalité de cette parole de la ilaha illallah. Hein? Et ils veulent uniquement se soumettre à leur école, à leur voix, à leur groupe, à leur parti, hein, à leur méthodologie. Hein. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui de la part des ikhwan, de la part des tablir. Hein. Tu vas dire un tabliri. Hein. Tu demandez, quand vous voyez des gens de Jamaat Tablir, expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Ou bien, où est-ce qu'il est Allah? Ayn Allah? Qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahman al-Arsh istawa? Demandez-leur ça. Vous allez voir qu'ils ne connaissent pas. Hein? Et, ou bien ils n'expliquent pas ça la manière que les salafs l'ont compris. Leur explication est autre. De même que si vous demandez aux ikhwan ces mêmes questions. Qu'est-ce que signifie la ilaha illallah? Où est Allah? Qu'est-ce que signifie Ar-Rahman al-Arsh istawa? Qu'est-ce que c'est, hein, la signification du tawhid? Ils ne le savent pas. Ou bien ils ne l'expliquent pas de la façon réelle. Alors, ils ne veulent pas que tu parles du tawhid, parce qu'ils disent, si tu parles du tawhid, les gens ils vont se diviser, ils vont se disputer, ils ne vont pas être d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ont absorbé toutes sortes d'innovations, toutes sortes d'égarements. Et le fait de clarifier ces choses-là, eh bien, ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir, hein, travailler avec ceux qui appellent à cette clarification-là. Donc, pour eux, ça représente une division. Mais la réalité, c'est que c'est une division qui est nécessaire pour clarifier la vérité et pour clarifier ceux qui aiment la vérité de ceux qui aiment le faux. Et si on ne fait pas cette séparation-là et cette division-là en réalité, eh bien, on est pris avec des gens qui vont nous tirer dans les pieds à la fin. Pourquoi ? Parce que, en réalité, ils sont avec nous uniquement en apparence. Alors que dans leur cœur, ils sont contre tout ce qu'on est en train d'essayer d'établir. Et tout, contre tout ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Donc, comment tu vas t'allier et t'unir avec des gens qui sont à la base en opposition totale avec la da'wa des prophètes et le message des messagers et l'explication de la base et du fondement même de la réalité de l'islam et du témoignage de la ilaha illallah. Tu ne peux pas t'allier avec des gens comme ça et tu ne peux pas non plus travailler avec des gens comme ça. Sinon, ça c'est juste, hein, disons une bannière qui est mensongère, qui est fausse, une fausse unité. C'est pas une unité qui est basée sur la sincérité et la vérité. Et le cheikh, il explique et il dit donc que si quelqu'un appelle au tawhid et interdit le shirk, il le considère comme étant lourd. Hein? Toi, comme disent les jeunes aujourd'hui, il y en était lourd, toi. Hein? Il dit ça. Tu nous déranges, tu nous saoules avec le tawhid. C'est comme ça qu'il parle. Allah al-musta'an. Hein? Laisse-nous tranquilles. Parle-nous de taqwa. Hein? Parle-nous de iman. Dis-nous des choses qui vont augmenter notre iman. Mais comment tu vas augmenter ton iman alors que la base de l'iman, tu refuses de l'accepter? C'est ça qui est contradictoire. Comment tu veux que je te parle de taqwa alors que la base de la taqwa, qui est le tawhid, tu refuses de l'accepter? Ça fait pas de sens. Hein? Et le cheikh dit donc qu'ils le considèrent lourd. Ils disent, ah toi tu fais fuir les gens, hein, tu fais fuir les autres. Et donc, il dit, le cheikh, il dit, eux ils disent, il y a quelque chose de plus important que le tawhid. Hein? Il dit, le tawhid ça c'est des détails. Hein? C'est des détails, des juz'iyat. Il dit, le fait d'appeler à l'unité des musulmans, ça c'est une priorité, ça c'est plus important que le tawhid. Il dit, le cheikh, subhanallah, les musulmans, ils vont s'unir sans tawhid? Ils vont s'unir sans qu'on purifie la religion pour Allah? Et qu'on établisse l'ikhlas pour Allah? Ça, il dit, ça c'est pas possible ça. Il dit, commencez par corriger et rectifier les fondements en premier, puis ensuite appelez à l'unité et à l'union. Parce que l'union, oui, c'est quelque chose d'exigé, c'est quelque chose qu'on souhaite, c'est quelque chose qu'on veut. Hein? Et la division, c'est quelque chose d'interdit en islam. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne et il nous dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ». Il n'a pas juste dit « Unissez-vous ». Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas dans le verset « Unissez-vous, soyez unis, soyez ensemble ». Non, il dit « Cramponnez-vous au câble d'Allah ». Et le câble d'Allah c'est quoi? C'est le tawhid, c'est la religion, c'est l'islam, c'est la sunna, c'est la aqida. C'est ça le câble d'Allah, c'est la salafia, c'est ça le câble d'Allah. Hein? L'ijtima' ala ma istama'a alayhi sahaba, de s'unir sur ce sur quoi se sont unis les sahaba. Pas de s'unir sur n'importe quoi, juste de s'unir sur un mot, sur un nom, comme islam, mais on n'explique pas qu'est-ce que c'est sa réalité. Alors, dans ce cas-là, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à rien. Si tu fais juste utiliser le mot islam comme une bannière, mais tu vides le mot islam de toute sa signification, de tout son sens et de tous ses fondements, puis après tu dis c'est l'islam, alors ça veut rien dire en réalité. Donc, il n'y aura, le cheikh, il n'y aura pas d'unification des musulmans excepté par le tawhid, par l'islam et par la foi. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera demain. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته